Manakumana, kumana leli leli le kumana kumana dudu baneye kumana kumana toto pekise kumana kumana toto jakeke kumana kumana toto maibele kumana kumana leli le kumana kumana leli leli le kumana kumana leli le kumana kumana leli leli le kumana kumana leli le kumana kumana leli leli le kumana kumana paribe kumana kumana leli leli le kumana kumana toto rifeo kumana kumana drali feo kumana kumana Kumana kumana, venire. Kumana kumana, lelile. Kumana kumana, lelile. Kumana kumana, lelile. Kumana kumana, lelile. Kumana kumana, sa sa sa. Kumana kumana, lelile. Kumana Lokola mwana etike papa. Et alors papa, la coquille est méga supportée. Oh monsieur, le bouté de ce rosier est fin d'ailleurs. C'est pas pour tes azotes. Namako, c'est pas pour tes azotes. Maman, c'est pas pour tes azotes. J'y vais. Ha! J'y vais. Yeah, yeah. Danser, danser, danser, danser, danser. Ha, ha, ha, ha. mama Nazalina nyonga mototeo Mosala senzamba kunena nga mosala MC Goti kangana mekansoto Bon, dansons élément Parce que je suis plus instruit que toi. Oh non. Si je te donne des conseils, ne dis pas que je suis plus petit que toi. Mon ami, ce n'est pas ça. Dans la vie, tout le monde se trompe. Rien n'est infaillible. Yeah, yeah. Mon ami, ce n'est pas ça. Un supérieur se trompe. Un inférieur se trompe. Yeah, yeah. Oh. Tu as vu Monsieur Jean avec une voiture. Tu veux aussi avoir une voiture. Mais non, tu sais pas comment il a fait. Parce que tu as vu Monsieur Paul, il a construit une maison étage. Tu veux aussi avoir une maison étage. C'est pas possible. Parce que tu as vu Monsieur François, il a trois femmes. Tu veux aussi avoir trois femmes. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça la vie. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir cette voiture. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça la vie. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir cette maison à étage. Oh, oh papi, yeah, yeah, yeah. Oh, oh papi, yeah, yeah. Oh, ma douce, oh papa. Oh, papi, yeah, yeah, yeah. Oh, oh papi, yeah, yeah. Dans la vie, chacun a son temps. Chacun a sa chance, mais il faut aller lentement et sûrement. Doucement, doucement, doucement, doucement, doucement. Mam carrego, mam carrego. Dans la vie, chacun a son temps. Chacun a sa chance, mais il faut aller lentement et sûrement. Doucement, doucement, doucement, doucement, doucement. Mam carrego. Go ahead.